Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années qui donnent à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle, ah, Isabelle, non, ah, Isabelle, non, arrête, Isabelle, Isabelle, ah, ah, oh Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres, car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterais de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon.